Oui, tapez les mains. Tout le monde, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Oui, tapez les mains, plus fort. Oui, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Voilà.